Mes frères en Christ, mes bien-aimés, mes sœurs, le peuple de Dieu, je vous apporte une petite exhortation suivie d'un témoignage, parce qu'il est quand même important qu'on entende des témoignages, parce que nous ne prions pas le vide, nous ne sommes pas de ces personnes qui adorent les statuettes, nous nous prions un Dieu vivant, un Dieu pratique, un Dieu qui entend, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, voilà. Lorsqu'on l'invoque, il se manifeste parce qu'il est fidèle à sa parole. Et il a dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Donc, il va même jusqu'à dire dans le livre de Jérémie, je me laisserai trouver par quiconque me cherche de tout son cœur. Donc, c'est important de le chercher. Quand il voit que tu le cherches par le jeûne et la prière de tout ton cœur, Dieu lui-même va se révéler à toi. Ne cherchez pas Dieu chez les gens. Je vais aller trouver quelqu'un pour qu'il m'enseigne. Non, Dieu a dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherche de tout son cœur. Ne va pas chercher Dieu ou apprendre Dieu chez d'autres personnes. Lis la Bible et le jeûne, et quand il verra dans ton cœur que tu veux vraiment le connaître, lui-même va se révéler à toi. L'apôtre Paul a dit, l'évangile que je vous prêche là, je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme. Paul n'a pas fait cours biblique. Il dit, je n'ai pas appris cela d'un homme. Ce que je vous enseigne là, c'est par révélation. Je ne l'ai pas appris d'un homme. Paul n'est pas allé dans une école biblique pour apprendre l'évangile. Il dit, c'est par révélation. Ce que je vous enseigne là, c'est la révélation. Je ne l'ai pas appris d'un homme. Donc, voilà, ce n'était qu'une parenthèse. Frère, vous savez qu'en ce moment, je voudrais faire cette exhortation pour fortifier toute personne aujourd'hui, à l'heure où je parle, qui traverse une situation difficile, qui est dans les épreuves jusqu'au cou. Frère, s'il te plaît, il ne faut pas abandonner. Accroche-toi à Jésus par la foi. N'abandonne pas. C'est dur, oui. Tu es peut-être attaqué dans ta chair par des maladies. Tu as des difficultés de trouver un emploi. Ça ne va pas dans ta famille. Dans ton mariage, c'est dur. C'est la tempête, ça ne va plus du tout. À ton lieu de travail, tu es persécuté par tes collègues de travail, parfois même par le chef de service. Au lycée ou à l'université, les autres te critiquent, se moquent de toi alors que tu n'as rien fait de mal. Peu importe l'épreuve que tu traverses, frère, je vais lire ce que Jésus nous a dit. Je vais le lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 19, au verset 20. Ouais, au verset 29, excusez-moi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Avec des persécutions. Oui, frère, Dieu nous bénit. Oui, mais Jésus nous dit aussi, tant que vous êtes sur la terre, vous serez persécutés. C'est l'ennemi qui nous persécute. Le diable vient pour diviser ton mariage, ton foyer. Le diable vient pour que tu aies, pour que tu n'aies pas la santé, parce que la maladie vient du diable. Jésus dit, vous serez bénis. Je vais vous délivrer. Je vais vous guérir, mais vous aurez aussi des persécutions. Mais les persécutions ne viennent pas de Dieu. C'est Satan qui te persécute. Ça ne va pas dans ta famille, c'est Satan qui vient pour diviser. Ça ne va pas entre toi et ton mari, Satan sème la zizanie pour diviser parce que Satan déteste le mariage. Il n'aime pas. Tu es persécuté dans ton lieu de travail, c'est Satan qui te persécute. Tes amis et collègues et camarades à l'école te critiquent, tout le monde se moque de toi. Satan se sert d'eux pour te persécuter. Mais Dieu nous bénit. Oui, Dieu nous guérit. Dieu nous délivre. On prie, il exauce nos prières. Mais Jésus dit, sachez que tant que vous êtes sur terre, vous aurez des bénédictions et les persécutions. C'est la raison pour laquelle l'enfant de Dieu ne doit pas être étonné. Si tu es attaqué, ça ne doit pas te surprendre. Tu es attaqué parce que le diable sait que tu ne lui appartiens pas. Jésus a dit, si Satan fait la guerre à Satan, son royaume ne peut pas subsister. Le diable n'attaque pas le diable. Donc si le diable t'attaque, c'est parce que tu ne lui appartiens pas. Jésus a dit que Satan ne fait pas la guerre à lui-même. Sinon son royaume ne pourra plus subsister. Tu es attaqué parce que tu es enfant de Dieu. Oui, il faut que tu le comprennes bien. C'est pourquoi Satan cherche des petits bobos, des petits trucs. Juste pour t'embêter, il faut que tu saches que ce qu'il vise en toi, c'est ta foi. Le diable veut que tu dises, j'en ai marre. Je croyais qu'en venant à Jésus, ça va être le paradis, mais je suis attaqué. Je retourne dans le monde. Parce que c'est ce qu'il vise. Il ne faut pas l'oublier que les attaques que tu subis, c'est pour attaquer ta foi, pour qu'il y ait le découragement. Mais regardez Job. Le diable l'a attaqué. Tous ses biens. Il est tombé dans la misère. Lui qui était riche, sa femme l'a abandonné, ses enfants. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Quand il a vu que Job n'abandonne pas le Seigneur, il a frappé des maladies incurables. Des maladies incurables. Mais Job n'a pas lâché prise. Job est resté dans sa foi. Et à la fin, Dieu l'a restauré. Dieu va te restaurer. Tiens ferme, Dieu va te restaurer. Peu importe la difficulté, tout ce que tu endures aujourd'hui, peu importe, Dieu va te restaurer. Dieu ne t'abandonnera pas. Oui, tu passes cette épreuve. C'est pour connaître le Seigneur. Tu vas le connaître dans une autre dimension. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Jésus-Christ est avec toi. Peu importe le niveau d'épreuve où tu te trouves, tu n'es pas seul. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, Dieu était avec lui. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne t'abandonnera jamais. Je vais vous raconter rapidement, mes frères et sœurs, comment l'ennemi nous attaque. Parce que Jésus a dit, on aura les persécutions, on aura des persécutions. Mais Jésus va toujours nous délivrer. Je suis parti d'Angers. En fait, je suis parti de Paris pour aller voir la famille à Angers. Je suis parti de Paris un vendredi. Quand j'arrive à Angers, et comme je devais travailler lundi, je décide alors de retourner sur Paris dimanche. Je me suis dit, si je roule dimanche la journée, il y a beaucoup de gens, il y a des voitures. Moi, je n'aime pas des bouchons, des embouteillages. C'est alors que je décide de rouler la nuit. Donc, quand je quitte Angers pour Paris, il est 22h, un dimanche. Je roule la nuit. Il y avait la pluie, il y avait le brouillard. Un brouillard épais qui ne te permettait pas de voir à 10 mètres de la voiture. Quand je quitte Angers, à 22h, j'arrive à Le Mans, la ville de Le Mans. J'arrive là, il est 23h45 parce que je roulais doucement. Je roulais sur la nationale. J'arrive à Le Mans, il est 23h et poussière. C'est alors que je prends mon GPS, je vais le régler. Quand je règle le GPS, j'ai mis la position tout sauf autoroute et péage. Je règle le GPS, je mets mon CD de louange, au volant je démarre. Le GPS me dit, il est déjà vers les 24 heures, il fait nuit totale. Comme sur le GPS, j'ai enlevé autoroute et péage, donc le GPS va me guider dans les nationales et les départementales. Frère, c'est comme ça que le GPS va m'entraîner dans les profondeurs de la brousse. Parce que je me suis retrouvé sur une départementale où il n'y avait que la forêt. Frère, j'ai roulé. Quand j'ai vu qu'il y a trop de forêt, et comme il y avait la pluie et le brouillard, frère, la voiture a glissé à un rond-point et la voiture est allée dans un ravin. Le devant de la voiture est allé cogner le fond du ravin, ce qui fait que le radiateur et le moteur bousillaient. Frère, les phares sont restés allumés parce que tant que tu as le jus sur les batteries, les phares restent allumés. Frère, je suis dans une forêt. Il n'y a aucun village à côté, il n'y a aucun village, même pas de ville. Il n'y a que la brousse. Je suis dans le noir, je n'ai même pas une torche. Bien-aimé, je suis sorti de la voiture, j'ai levé mes mains, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Parce que je ne sais pas, je pouvais faire une mauvaise rencontre. Il y a des gens dans ce pays qui tuent parce que tu es noir. Il y a des racistes. Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas qui je vais croiser. En plus, il n'y a pas un village à côté, il n'y a que la forêt. Bien aimé, pas de torche. C'est alors que je vais allonger la route à pied dans le noir, frère. pas vous mentir, je vous dis, même lorsqu'un lièvre passait à côté de moi, je tremblais parce que c'était la nuit totale et je n'avais pas de torche. Frère, je veux faire la route à pied dans le noir, dans une forêt. Dieu est grand. Mais Jésus était avec moi, même si je ne le voyais pas. Parce que Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, oui, même quand les feuilles d'arbres tombaient, je tremblais, je me tournais. Je suis dans le noir, pas de torche, il n'y a pas une ville ou un village dans les alentours. Il est 1h du matin. Bien aimé, je me suis mis à longer la départementale, seul et pas de lumière. Après avoir marché un temps, j'ai vu devant moi quelques lumières. Je me suis dit, oh Seigneur, gloire à Dieu. Je vois les lumières. Et je suis arrivé à ce petit village. J'avais vu le panneau marqué Marchainville. C'est le nom du village. J'arrive au village. Quelques maisons. Et les chiens ont commencé à aboyer, les chiens des gens du village. Et je prends mon portable. Il n'y avait pas de réseau. C'est alors que j'ai une idée, c'est-à-dire cogner sur les portes des habitants de ce village. En fait, je croyais que quelqu'un allait ouvrir pour qu'il utilise son téléphone fixe. Parce qu'en réalité, je voulais joindre les sapeurs-pompiers. Mais comme mon portable n'avait pas de réseau, je me suis mis à appuyer les interphones des maisons de ce village. Frère, à l'intérieur des maisons, je voyais bien la lumière, la preuve qu'il y a des gens dedans. Et dehors, je voyais la voiture garée. J'appuie tant, personne n'a ouvert. J'ai fait le tour des maisons, personne n'a ouvert. Frère, je suis allé m'asseoir dans un coin, dans l'obscurité. Après un temps, je vois les phares d'une voiture qui revenaient du côté où j'avais laissé la mienne. Je suis venu sur la route et j'ai fait comme ça, comme fait la police, pour arrêter cette voiture. Monsieur s'est arrêté. Je suis venu, je lui ai dit, monsieur, bonjour, j'ai un problème, j'ai laissé ma voiture. Le monsieur, je n'ai même pas terminé. Il m'a dit, oui, j'ai vu là-bas dans un ravin les phares d'une voiture. Je lui ai dit, c'est ma voiture. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, monsieur, comme je n'ai pas de réseau, en fait, j'ai envie d'appeler des pompiers, mais je n'ai pas de réseau. Donc, c'est pourquoi j'étais en train d'appuyer, de frapper sur les portes, si quelqu'un peut ouvrir, afin d'utiliser son téléphone fixe, pour appeler les pompiers. Le blanc a dit, quoi, monsieur? Vous courez un danger? Moi, j'habite ici. Nous, on n'est pas habitué à des noirs ici. Tu ne sais pas que quelqu'un peut sortir avec son fusil de chasse, il te tue, il dira aux gendarmes que tu es venu voler. Parce que nous, on n'est pas habitué à des noirs ici. Tu cours un danger, là. Je lui ai dit, oh, monsieur, je ne savais pas. Oh là là, c'est là où j'ai eu peur. Et puis, je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un poste de gendarmerie ici? Il me dit, il y a un poste à 10 km d'ici. Je lui ai dit, monsieur, vous pouvez me laisser là-bas. Il me dit, mais il n'y a pas de problème puisque je passe par là. Je monte dans sa voiture. Monsieur, je monte dans la voiture. Frère, je surveillais cet homme parce que je ne le connaissais pas. Et moi, je me disais, s'il essaie de faire quoi que ce soit, avant qu'il ne me tue, en tout cas, je vais d'abord lui montrer que je suis un homme. Parce que je me méfiais, je ne savais pas qui il était. Alors, on roule. On arrive à ce petit village qui était à 10 km. Il me dit, descends. Tu vois là-bas, il y a un poste de gendarmerie là-bas. Je descends, monsieur démarre, il disparaît, il est parti. Je marche à pied. Je viens, je vois sur la barrière gendarmerie. Et je vois bien l'interphone où c'était marqué urgence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en urgence, vous appuyez par là, en cas de danger, ou bien si vous voulez une intervention. Frère, je voyais bien la voiture des gendarmes garée dans la barrière et je voyais les lumières dans le bâtiment de gendarmerie. J'appuie. Aucun gendarme n'est venu. Frère, même dans le petit village en question, il n'y avait pas de lumière. Quand je prends alors mon portable, je remarque qu'il y a un peu de réseau. Je dis, oh mon Dieu, merci. C'est alors que j'appelle les pompiers. Le pompier de garde appuie le téléphone. Monsieur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué le problème. Il m'a posé une question. Est-ce qu'il y a des blessés? J'ai dit non. Il me dit, monsieur, s'il n'y a pas de blessés, nous, on ne peut pas venir. Parce que nous, on intervient s'il y a des blessés. Je dis, mon Dieu. Et puis, je lui dis, mais monsieur, je ne sais pas comment faire. Et puis, il me dit, ok. Bon, je connais un garagiste. Je veux l'appeler et lui va vous contacter. Je dis, merci. Quelques minutes après, quelqu'un m'appelle. Il me dit, il s'est présenté. Oui, c'est moi le garagiste d'elle. Les pompiers viennent de m'informer par rapport à votre problème. Voilà, vous êtes à quel niveau pour que je vienne remorquer la voiture? En fait, ce garagiste travaille depuis longtemps avec les pompiers. Toutes les voitures qui font des accidents dans la zone, c'est ce garagiste-là qui va remorquer les épaves. Je lui dis, mais monsieur, je ne sais même pas dans quel village je suis. Il me dit, mais monsieur, en France, il y a des milliers de villages. Si vous ne me donnez pas le nom, moi je saurais que vous êtes dans quel village. Je lui ai dit, ok, attendez, frère, je vais sillonner dans ce petit village pour connaître le nom. Parce que le garagiste voulait le nom pour venir me chercher. Je tourne, rien. Je vois dans un coin du village une grande statuette, un monsieur qui était représenté par une statuette. Je me suis dit, comme je sais qu'en France, sur les statuettes, il y a le nom de la personne qui est représentée, année de naissance, année de mort, et le nom du village. Je suis allé avec la petite lumière de mon téléphone portable, le petit panneau qui était en bas sur les pieds de la statuette, avec la lumière du portable, j'ai pu avoir le nom du village. Je reviens alors, j'appelle le garagiste, je lui donne le nom. Il a crié, il me dit, oh là là, vous êtes à 80 km de là où je suis, donc monsieur, il faut supporter, j'arrive. Quand cet homme arrive, parce qu'après un moment, j'ai vu le gyrophare, j'ai quand même attendu un bon bout de temps. Quand j'ai vu le gyrophare, je suis venu sur la route, j'ai fait comme ça. Il m'a dit, c'est vous? Je dis oui. On monte dans la voiture. Il me dit, ta voiture se trouve où? Je dis, c'est à côté du village Marchainville. Il me dit, Marchainville, c'est à 10 km d'ici. Alors, on prend la route pour Marchainville. Il me dit, vous revenez d'où et vous partez où? Je dis, je reviens d'Angers et je m'en vais à Paris. Il me dit, quoi? Quelqu'un qui part d'Angers pour Paris, Paris, c'est de l'autre côté. Parce que là, le chauffeur vous a amené vers le sud. Il me dit, mais quelqu'un qui part d'Angers pour Paris, il vient faire quoi par ici? Pourquoi ce grand détour? Ça, c'est un détour pour rien. Je lui ai dit, monsieur, je ne connais pas la route, mais j'ai réglé mon GPS. Il me dit, quoi, ton GPS, il faut le jeter dans la poubelle. Parce que celui qui part d'Angers pour Paris, je ne vois pas ce qu'il vient chercher par ici. Paris, c'est de l'autre côté, ce n'est pas par ici. Alors, on arrive, on passe Marchainville, on arrive là où j'avais laissé ma voiture dans le ravin. Les phares étaient toujours allumés. Alors, il a pris le crochet, le câble et le crochet. Il a tiré ma voiture, il a mis derrière son camion. On va rouler 80 km pour arriver où se trouve son garage. Quand on arrive où se trouve son garage, j'ai vu plein d'épaves de voitures qui ont fait des accidents parce qu'il a l'habitude d'aller ramasser les épaves. J'ai vu plein de voitures dans sa barrière. Il a mis ma voiture, il ferme le portail. Il me dit, vous payez comment? Je lui ai dit, monsieur, je n'ai même pas un centime sur moi. Il m'a dit, montrez, vous avez votre attestation d'assurance voiture? Je dis oui, je lui ai donné l'attestation. Il a pris son téléphone portable, il a filmé l'attestation. Il a dit, ne vous inquiétez pas, vu votre assurance, c'est votre assureur qui va payer les frais. Donc moi, je rentre en contact avec lui. C'est bon. Je dis, mais monsieur, bien aimé, il est 4 heures du matin. Je suis toujours dans le noir. Vous savez que pendant l'hiver, même à 4 heures, 5 heures du matin, il fait toujours nuit. Je suis là, mais je dis, mais monsieur, je fais comment? Il me dit, oh, écoutez, monsieur, moi, j'ai terminé ma part. Voilà, je rentre chez moi, je m'en vais trouver ma femme. Je dis, mais monsieur, s'il vous plaît, il n'y a pas de taxi par ici. Il me dit, ok, je vais appeler un taxi. Il a appelé un taxi. Ensuite, il est parti. Je suis resté devant le portail de son garage, dans le noir total, bien aimé. Après un temps, je vois un taxi qui arrive. Je fais signe au taximan. Le taximan me dit, ok, c'est pour vous amener où? Je dis, monsieur, je ne connais pas le coin. Vous qui habitez le coin, est-ce qu'il y a un garage, une gare de voiture ici? Est-ce qu'il y a une gare? Il me dit, quoi? La gare est à 60 km d'ici. Je dis, mais monsieur, tout ce que je veux, c'est une gare parce que je dois me rendre à Paris. Il me dit, mais vous allez régler comment? Montez. Il va conduire la voiture. On tape 60 km. Le compteur du taxi ne faisait que tourner. Lorsqu'on arrive devant cette petite gare, j'étais le seul petite gare. Il dit, monsieur, c'est par ici. Je suis descendu de la petite gare. Il me dit, vous réglez comment? Je dis, monsieur, je n'ai pas un centime sur moi. Il me dit, comment ça? Vous avez l'assurance de votre voiture? Je dis, oui. Il a fait pareil, il a filmé mon attestation. Il dit, ok, vu votre assurance, ça va se passer entre moi et votre assureur. Ok, je reste là. 5 heures du matin, je suis toujours dans le noir. 6 heures, je suis là. C'est à 7 heures que je verrai une personne avec son sac. Lui aussi venait pour attendre le train. Quand je l'ai vu, ça m'a soulagé. Je me suis dit, parce que je commençais à me poser des questions. Quand j'ai vu le temps passer, il n'y a aucun train signalé. Je me suis dit, est-ce que vraiment il y aura un train ici aujourd'hui? Donc quand j'ai vu une personne arriver, je me suis dit, ok, il y aura le train. Il était là. Deux, trois personnes, on s'est vers 8 heures et poussière, on était 4 ou 5 personnes. Là, j'étais sûr que le train va passer, puisque je vois les gens qui sont venus attendre le train. Quand 9 heures du matin arrive, un train arrive. On n'était pas nombreux. Le train s'arrête. Quand le train s'est arrêté, je suis allé devant le contrôleur. Je lui ai dit, monsieur, bonjour. Je lui ai raconté ma galère. Je lui ai dit, je n'ai pas un centime sur moi. Faites-moi la contravention tout de suite. Faites-moi le PV. Il m'a dit, monsieur, c'est pas grave. Entrez dans le train. Quand je vais passer de rangée par rangée pour vérifier les billets, là, je pourrais vous faire la contravention. Je monte dans la voiture. Bien aimé, on est parti de là jusqu'à Versailles, en région parisienne. Il n'y a pas eu de contrôle. Monsieur n'a pas fait le contrôle. Quand on arrive à Versailles, j'avais une pièce de 2 euros dans la poche. J'ai pris un ticket métro RER pour venir à la gare du Nord. Quand j'arrive à la gare du Nord, il y avait un train qui devait partir de la gare du Nord à la ville d'Amiens. Et moi, je devais aller à Amiens parce qu'à cette époque, j'habitais encore à Amiens, mais je travaillais à Paris. Donc, quand je vois le train dans 5 minutes va partir, j'ai vu le contrôleur du train. Monsieur, bonjour, je vais expliquer ma galère. Je dis, monsieur, je n'ai pas les centimes. Faites-moi tout de suite le PV, faites-moi la contravention. Il me dit, monsieur, allez vous asseoir. Tout à l'heure, je vais passer. Je pourrais te faire le PV après. Bien aimé, on part de Paris jusqu'à Amiens. Monsieur n'a pas contrôlé. C'est comme ça que j'arrive à Amiens et je tape à pied jusqu'à la maison. J'étais abattu parce que toutes mes affaires sont restées dans le coffre de la voiture. Et surtout, lorsque je suis parti, quand le garagiste a fermé le portail, il m'a dit, monsieur, la loi dit que chaque personne doit venir récupérer les parts de sa voiture dans un délai de 7 jours. Donc si après 7 jours, vous ne venez pas récupérer votre voiture, la voiture va à la casse. Il m'a dit, c'est 7 jours, c'est la loi. Donc quand j'arrive à Amiens, je pensais à ça. Mon Dieu, je vais faire comment pour aller chercher mes affaires qui sont restées dans le coffre de la voiture. Parce que vraiment, c'était loin de la ville d'Amiens. J'étais dans cette situation. Donc, je prends mon téléphone le soir. Quelque chose me dit de parler à un ami antillais qui habitait Paris. Je lui ai expliqué mon problème. C'était un frère en Christ. Et puis après lui, j'ai aussi appelé une soeur en Christ qui habite la ville d'Auxerre. Tu es bien aimé. Quand j'ai appelé la soeur me dit, « Oh mon frère, ça fait longtemps. Est-ce que ça va ?» Je dis, « Ma soeur, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai expliqué. Et puis elle me dit, « Gloire à Dieu, bien aimé. Est-ce que tu sais que je viens d'accoucher un 4e enfant ?» Je dis, « Non, ma soeur. Je n'étais même pas au courant que tu es enceinte. » Elle me dit, « Oui. » Je viens d'avoir le 4e enfant. Et comme ma Ford, moi et mon mari, et les 3 enfants, la Ford nous suffisait. Mais comme j'ai un 4e enfant, il nous faut maintenant, ça fait maintenant 4, plus mon mari et moi, on est 6. C'est pourquoi je viens d'acheter une voiture de 7 places. Donc ma Ford, que tu connais, est garée de l'autre côté de la barrière parce que sur le parking, on a droit à une place. Donc, frère, prends le train demain, viens chercher la forme. Bien-aimé, j'ai pris le train le lendemain. Je suis allé à Auxerre. Il fallait voir la forme. Voiture nickel, bien entretenue. La Ford n'était pas une vieille voiture comme ma Peugeot qui était tombée dans le ravin. Ma Peugeot était tombée, c'était une vieille Peugeot. Et je me retrouve avec une Ford nickel. Et la Ford était propre. Elle était neuve par rapport à ma voiture. Et puis, je dis à la sœur, bien aimée, la sœur m'a dit, j'ai fait à manger. J'étais tellement dans la joie que je lui ai dit, ma sœur, je préfère acheter un sandwich parce que je vais taper la route, je vais faire Auxerre, Paris, Paris, Amiens. Bon, je voulais partir, j'étais tellement content de la voiture. Et puis je dis à la sœur, ma sœur, quand je vais acheter une nouvelle voiture d'occasion, je ramènerai ta voiture. Il me dit, non, elle me dit, non, non, mon frère, je te donne. Je ne te prête pas la voiture, je te donne ces maintenant à toi. Moi, je fais encore, je fais quoi avec ça? Je te donne la voiture. Bien aimé, quand j'ai démarré pour faire le plein de carburant, parce que je lui ai dit, j'étais tellement dans la joie, je lui ai dit, ma soeur, la station d'essence, c'est où? Elle m'a dit, tu passes par ici. Je suis allé à la station d'essence, j'ai fait le plein, je vais démarrer Auxerre, Paris, Paris, Amiens. La joie dans mon cœur. La joie. Je viens de perdre une vieille Peugeot. Je me retrouve avec une Ford qui est encore nickel. Et on me l'a donnée gratuitement. Frère, je me suis retrouvé à Amiens dans la joie le soir. J'étais content. J'étais content. J'ai fait le témoignage au bien-aimé. Tout le monde criait gloire à Dieu. Dieu est grand, bien-aimé. Satan détruit ma voiture dimanche la nuit. Et mardi, j'ai une voiture meilleure. Une voiture qui est encore neuve par rapport à la vieille Peugeot qui est tombée dans le ravin. Jésus-Christ est Seigneur. C'est alors que je me suis souvenu que le garagiste m'a dit, tu as 7 jours. Si les 7 jours passent, ta voiture va à la casse. Bien-aimé, je suis allé sur un site de vente, Le Bon Coin, c'est le nom d'un site. J'ai mis l'annonce que si quelqu'un veut une Peugeot pour pièce, que cette personne-là m'appelle. Le lendemain, je fais le plein de carburant, je vais taper la route avec la Ford pour aller à 400 km à l'endroit où ma Ford, ma Peugeot était dans le garage, l'épave. Pendant que je faisais la route, mon téléphone portable sonne. Il s'agit d'un monsieur qui a vu l'annonce, ou l'annonce faite sur le site de vente Le Bon Coin. Il me dit, monsieur, je suis sur votre annonce. J'ai la même marque de Peugeot. Est-ce que je voudrais des pièces parce que j'ai besoin des rétros, j'ai besoin. Il m'a dit, je dis, mais monsieur, comme vous habitez le coin, parce qu'il m'avait dit qu'il habite le coin. Parce que moi, quand j'avais fait l'annonce, j'avais mis comme lieu de voiture l'adresse où se trouvait la voiture. Et il m'a dit, mais je n'habite pas loin de ce garage, je suis de la zone. Donc moi et lui, je lui ai dit, viens me trouver au garage, j'arrive au garage tout à l'heure. J'ai trouvé ce monsieur au garage. Donc quand j'arrive au garage, je suis allé voir la secrétaire. Je lui ai dit, oui, ma voiture est parmi les épaves. Elle m'a demandé le numéro de la plaque d'immatriculation. Je lui ai donné le numéro. Et puis, elle a demandé à un mécanicien de m'accompagner où se trouvait la voiture. Lorsqu'on arrive où se trouve la voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai pris mes affaires, toutes mes affaires, sac à outils, valise, tout. J'ai pris, j'ai mis dans la forme. Et on m'a dit, le garagiste a dit, elle est pas. Vous savez que dans 7 jours, ça va aller à la poubelle. J'ai dit, monsieur, ça, c'est pas un problème. Regardez le monsieur qui est là-bas à l'accueil. C'est lui qui récupère les paves. Je suis arrivé à l'accueil et on a signé un papier. La dame a dit, bon, comme c'est lui qui prend les paves, parce que nous, on ne veut pas les problèmes, tu fais un papier comme quoi tu l'autorises à prendre les paves de ta voiture. J'ai fait le papier, j'ai signé. Ils ont dit, ok, c'est bon. Moi, je monte dans la Ford, je retourne à Amiens dans la joie et le monsieur est resté à récupérer les paves. Bien-aimé, je veux te dire par là que je ne sais pas l'épreuve que tu traverses. Quelle que soit l'épreuve, Dieu va te restaurer. J'ai perdu une vieille Ford, une vieille Peugeot, pour avoir une Ford encore neuve. Gratuitement. Il y a que la journée de lundi que je n'avais pas de voiture. Parce que Satan a tapé ma vieille Peugeot dimanche la nuit. Et mardi matin, j'avais une Ford qui était encore neuve par rapport à la vieille Peugeot qui est tombée dans le ravin. Frère, quelle que soit l'épreuve, parce que quand je suis sorti de la Peugeot, dans le noir, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et moi, je l'ai invoqué et Jésus a tout accompli. Jésus a fait en sorte qu'un contrôleur ne me fait pas le PV dans le train. Parce que moi, je n'ai pas compris que je prends deux trains. Le contrôleur, je lui dis que je n'ai pas de ticket. Il sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de ticket dans le train. Il a promis contrôler pour faire le PV. Il ne le fait pas. Pendant deux trains, c'était un miracle de Dieu. Et le soir, j'appelle une soeur qui dit, « Oh frère, je viens d'avoir un quatrième enfant. Viens chercher la forme. » Jésus-Christ est grand. Mon frère, je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais je te dis, n'abandonne pas. Prie le Seigneur. Jésus ne nous abandonne pas. Quelles que soient les situations, Jésus va te relever. Tu as vu Job, Satan l'a attaqué au niveau de la santé, dans les biens matériels. Il est devenu pauvre, lui qui était riche. Et au niveau de sa santé, il était rongé par les maladies inguérissables. Mais tu as vu la fin, Dieu l'a restauré. Il était en bonne santé. Et la Bible dit, la richesse que Dieu lui a donnée après cette épreuve était beaucoup plus grande que ce qu'il avait avant. Donc je vais te dire par là que Satan a détruit ma vieille Peugeot. Deux jours après, je me retrouve avec une Ford neuve. Jésus-Christ est Seigneur, je tenais à te faire ce témoignage pour t'exhorter à ne pas abandonner le Seigneur, à tenir ferme peu importe la situation où tu te trouves aujourd'hui, peu importe les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, si tu t'accroches à Jésus, c'est toi qui vas même chanter après. Peut-être aujourd'hui tu pleures, mais demain tu vas crier Alléluia avec la joie. Donc c'est ce que je tenais à te dire. Que Dieu te bénisse.